إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن في زمان أيها الإخوة في الله كثرت فيه الشبه، وعز فيه من يضبط قواعد وأصول المنهج السلفي، وكثرت فيه التخبطات. ولذا سنتدارس وإياكم بعض الأسئلة التي أجاب عنها سماحة الوالد الشيخ عبيد حفظه الله تعالى ومتع به، وهي متعلقة بالمنهج، وفيها إن شاء الله ما يفند كثيرا من الشبهات لمن ألقى السمع وهو شهيد. وجاءت هذه على التفصيل هكذا: الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل. ثانيا، الضوابط في كيفية معاملة أهل السنة وأهل الباطل. ثالثا، فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل. يقول الله عز وجل: كم فلو فوين السما ينبوك و des ambiguïtés sont énormes, des déluges d'ambiguïtés qui ne cessent d'arriver chaque jour. Et peu parmi nos frères et notre jeunesse maîtrisent les règles et les fondements de la voie de nos puissants d'Allah Alim. C'est pour ça que beaucoup pataugent, ils ne savent plus où donner de la tête et ils se mélangent les pinceaux, comme on dit. C'est pour ça que nous allons étudier ensemble certaines questions auxquelles a répondu son éminence Cheikh Abid Hafidhahullah Ta'ala, et ces questions en rapport avec la voie salafi. Et dans ces réponses, il y a, Inch'Allah, pour celui qui écoute et celui qui est présent et qui cherche la vérité, il trouvera des réponses pour anéantir toute forme d'ambiguïté. Et ces réponses sont arrivées, sont ainsi, cette série de questions-réponses sont ainsi. Au départ, la première série, c'est la limite entre le comportement, la limite du comportement du gens de la sunna avec les gens du faux. Deuxième série, les règles dans le comportement que les gens de la sunna, dans les règles du comportement que nous devons avoir vis-à-vis des gens de la sunna et les gens du faux. Troisièmement, la troisième série, c'est la compréhension de comportement à avoir avec les gens de la sunna et les gens de l'innovation et du faux. جاء السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ: هل إذا أخطأ عالم من العلماء الكبار يجوز أو يسع لأحد من الشباب أن يرد عليه خطأه أم يرد عليه عالم مثله، حيث إن بعض الشباب يتجرأ على رد فتوى بعض العلماء التي تكون الفتوى أحيانا محظورة شرعا وأفتى بها العالم نظرا لضرورة أو حكمة يراها هو، بارك الله فيكم، أفتونا مأجورين. La première question, شيخ حفظكم الله, est-ce que quand un homme de science parmi les grands hommes de science tombe dans une erreur ou fait une erreur, il est permis à un jeune de répliquer à son erreur? Ou alors c'est un homme de science comme lui qui doit lui répliquer? Car certains jeunes ont l'audace à refuter et à rejeter la fatwa de certains hommes de science quand cette fatwa, il ne correspond pas à la législation. et que cet homme de science a donné cette afwa, cette fatwa et ce verdict par nécessité ou pour un but qu'il voit ou une sagesse que voit cet homme de science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, hein, donnez le verdict, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense concernant cette première question. يقول الشيخ حفظه الله ومتعبه الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ورب الطيبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Et il dit, Hafidahullah Ta'ala, louange à Allah, souverain du monde. Et j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah sans un souci. Et il est l'allié des vertueux et le souverain des bons. Et j'atteste que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah, hein, le plus noble de la descendance d'Adam. Tous, qu'Allah, salutations, prières et salutations d'Allah sur lui, ainsi que sa famille, ainsi que ses nobles compagnons et ses purs compagnons. Ah, une grande salutation jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la rétribution et après. يقول حفظه الله أما بعد فإنما سألتم عنه ينظر إليه من وجهين كما ينظر إلى من صدرت عنه تلك المقولة الخاطئة من جهتين أيضا وهكذا للسنة ينظرون إلى المخالفة وإلى المخالف. Il dit حفظه الله تعالى, la question que vous avez posée, on doit la regarder par deux points. On doit y jeter deux regards. Et comme on doit regarder la personne duquel émanait cette erreur par deux regards. Ainsi les gens de la sunna regardent la mukhalafa, la divergence avec la législation et le divergent aussi. Ils analysent leur situation par deux points. Ils ont deux regards sur la situation. Hein? Que ce soit sur l'homme qui est tombé, l'homme de science qui est tombé en erreur, ou que ce soit hein, l'erreur elle-même, ils ont deux regards dessus. فَالْمُخَالَفَةُ لَا تَحْلُو مِنْ حَالَيْنِ Car la divergence hein, va être dans l'un des deux cas, tout simplement. إِمَّا أَن تَكُونَ مُخَالَفَةً فِي أَمْرِ اللَّهِ سُغُ الْإِجْتِهَادِ سَوَانَ كَانَ فِي أُصُولِ الدِّينِ أَوْ فِي فُرُوعِهِ لِنَّهُ تَضَافَرَتْ عَلَيْهَا النُّصُوصِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْأَئِمَّةِ أَوْ كَانَتْ فِي حُكْمِ الْإِجْمَاعِ وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه. Il dit contre la divergence qu'il y a avec la législation, hein? Donc soit il va être une divergence sur un point ou sur un sujet dans lequel il n'y a pas la place à l'effort d'interprétation, que ce soit en ce qui concerne les fondements de la religion ou les détails de la religion, car les textes sont nombreux du Coran et de la Sunna et l'unanimité des grands imams. Hein? C'est-à-dire concernant cette situation, les textes sont nombreux, ainsi que le consensus. Ou alors cette situation est sous le consensus. Et le divergent n'a pas de texte pour renforcer sa voie à laquelle, vers laquelle il s'est penché. يقول وإما أن تكون المخالفة حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد أو أمر النصوص تحتمل وتحتمل. Ou alors donc la divergence va être est arrivée dans un sujet sur un sujet dans lequel il y a la place de l'effort d'interprétation. Ou alors concernant un sujet où les textes penchent des deux côtés. Hein? Penche d'un avis comme il penche de l'autre côté d'eux, hein, du côté de l'autre avis. Donc ici, on voit que la divergence, les hommes de science ont un regard dessus. Ils regardent, est-ce que cette divergence concerne un fondement de la religion et un détail sur lequel il y a des preuves, il y a un consensus. Et dans ces cas-là, celui qui est tombé dans la divergence n'a pas de texte pour renforcer sa voie vers laquelle elle est. Deuxième regard, c'est est-ce que cette divergence concerne un sujet où il y a la place à l'effort d'interprétation, ou alors que les textes, que ce soit la Sunna ou le Coran, hein, penchent vers les deux avis. Yaqul al-Sheikh, فالصنف الأول وهو الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد فإن الخلاف فيه غير سائغ أبدا ويرد الخطأ على قائله كائنا من كان. Et Cheikh de nous dire, la première catégorie, c'est que le sujet dans lequel n'est pas permis de faire des forces d'interprétation, la divergence ne doit pas avoir lieu, jamais de la vie aura lieu dedans. Et jamais de la vie, la divergence va être acceptée et l'erreur va être rejetée à celui qui l'a dite, qu'il soit qui il veut être. Yaqul, thumma hadha al-mukhalif la yakhlu an wahidin min rajulayn. Il dit, cet homme qui est tombé dans la divergence, il est l'un des deux hommes. Imma an yakuna sahib sunna, 'arafa an-nas minhu al-istiqamata 'alayha wa dabba 'anha wa 'an ahliha. كما عرفوا منه النصح للأمة فهذا لا يتابع على زلته وتحفظ كرامته وإن كنا رددنا مخالفته فإننا نتأدب معه ونحفظ كرامته ولا نشنع عليه كما نشنع على المبتدعة الضلال وذلك رعاية لما من الله به عليه من السابقة في الفضل والجلالة في القدر والإمامة في الدين فنحن نرعى هذا كله. وإذا نظرت في كثير من الأئمة الذين هم على السنة يشهد لهم الناس في محياهم وكذلك نرجو أن يكونوا بعد مماتهم إن شاء الله تعالى حدثت منهم أخطاء زلت بهم القدم فرد عليهم المعاصرون لهم واللاحقون لهم مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم وعدم التطاول عليهم بناديات العبارات. إلدي حفظه الله تعالى. Compte divergent, il ne sort pas de l'une des deux situations. Soit celui qui est tombé dans l'erreur et dans la divergence est un homme de la sunna, qui est connu par la droiture dans sa religion et qui est connu par le fait de défendre la sunna et de défendre les gens de la sunna. Et il est connu par ses bons conseils qu'il prodigue à la communauté. Celui-là, on ne le suit pas dans son erreur. Et on protège son honneur. Et si on lui réplique, on lui refute sa divergence, nous avons un comportement adéquat avec lui, un bon comportement, et nous protégeons son honneur. Et on n'agit pas avec lui d'une façon sévère comme on agit avec les innovateurs égarés. Parce qu'il faut prendre en considération le bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé, et le fait qu'il fait partie des vertueux, et le fait qu'il fait partie des imams de la religion, et donc on prend en considération tout ceci. Et il dit, quand tu regardes dans la situation de beaucoup d'imams de la religion et de la sunna, les gens leur attestent. Cet imam, dans la religion, dans leur vie, il leur atteste, Inch'Allah, on espère qu'il leur atteste aussi après leur mort. Il a dit, de ces grands imams, ils émanaient des erreurs, ils sont tombés dans des erreurs, ils ont eu des glissades, et leurs contemporains, ainsi que ceux qui les ont suivis par la suite, leur ont répliqué, mais tout en préservant leur honneur. Et sans utiliser de mauvaises expressions, ni d'expressions dures, ni d'expressions ravissantes vis-à-vis de ces nobles hommes de science. Fa wa hada ikhwat al-islam aqul hada karudud allati kanat min ahli al-ilm min al-akhta' allati waqa'a fiha al-imam an-nawawi rahimahullah wa ibn hajar. رد الأئمة أخطاءهم وحفظوا لهم كرامتهم ومكانتهم لسابقة فضلهم. فانظروا الرد على أخطاء الإمام بن حجر لابن باز رحمه الله، ومع ذلك يقر له بالفضل والسبق، وكالرد الذي كان من الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته على رسالة الشيخ عبد المحسن العباد رفقا أهل السنة بأهل السنة، كما كان في هذا الرد من الآداب والاحترام والتقدير، وهكذا الردود التي كانت من بعض أهل العلم للإمام الألباني وغيرهم رحمة الله على الجميع. Et frère, Allah عز وجل, j'ouvre une parenthèse et je dis ceci. C'est comme les répliques que certains hommes de science ont fait pour refuter certaines erreurs dans lesquelles est tombé l'imam Nawawi ou Ibn Hajar, rahmatullahi alayhim. Ils ont répliqué leurs erreurs, mais ils ont protégé l'honneur et la place de ces grands hommes de science, parce que ces grands hommes de science ont rendu un grand service à la communauté et ont travaillé la sunna du messager alayhi sallam. Quand on regarde les réfutations des erreurs qu'a fait l'imam Ibn Baz rahmatullah alayhi sur Ibn Hajar, on se rend compte combien l'imam Ibn Baz rahmatullah alayhi respectait et faisait l'éloge d'Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, parce que il a beaucoup donné à la communauté. Il en est de même à notre époque. Cette réplique et cette réfutation qu'avait fait Cheikh Ahmed Najmi rahimahullah ta'ala à la risala du Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad rifqan Ahl Sunnah bi Ahl Sunnah. Combien de bons comportements sont dans la lecture de cette risala, et combien de respect avait Imam Najmi Ahmed Najmi hafidhahullah ta'ala vis-à-vis de l'imam Al-Abbad hafidhahullah al-jami'a Habidallah wa matta'abih. Il en est ainsi de toutes les répliques qu'il y a eu de la part des hommes de science vis-à-vis de Cheikh Nasr rahmatullah alayh, et vice versa, et les répliques qu'avait fait Cheikh Nasr rahmatullah alayh à certains aussi. On sent dedans le respect de l'homme de science, et les preuves, et c'est les preuves qui parlent. Ça, c'est la parenthèse que je voulais ouvrir. يقول الشيخ حفظه الله وإما أن يكون هذا المخالف الذي خالف في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد ولكنه خالف، قد يكون هذا خالف عنادا واستكبارا وترفعا عن الحق وانسياقا وراء الهوى، فهذا لا كرامة له عند أهل السنة يردون عليه قوله ويشنعون عليه ويصنفونه بالبدعة والضلال ويحذرون منه ويغلظون فيه القول. Et il dit, ou alors donc, l'erreur émane de quelqu'un qui est tombé dans une erreur sur un sujet où il n'y a pas la place de l'effort d'interprétation. Mais il a pris cette position et cette divergence en étant entêté, ou par orgueil, ou en s'élevant au-dessus de la vérité, ou en suivant ses passions. Celui-là, il n'a aucun honneur chez les gens de la sunna. Il lui réfute sa parole, ils sont sévères dans sa description, et ils le décrivent avec l'innovation et l'égarement, ils avertissent contre lui, et ils sont sévères et fermes dans la parole vis-à-vis de lui. يقول حفظه الله إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة فإنهم يكتفون برد خطئه ويحذرونه في أنفسهم، وهذا إن كان ذلك المبتدع الضال له في البلد وأهله الصولة والجولة والكفة الراجحة والشوكة القوية، كان يكون مفتي البلد أو وزيرا من الوزراء مثل وزير الأوقاف أو وزير العدل، أو من المقربين من الدولة، أو من العلماء الموثوقين بهم عند الدولة، ونحن مستضعفون فإنا لا نصفه بشيء من هذا. Il dit, mais quand va découler de cet avertissement, de cette réfutation claire et nette, et le fait de décrire cet homme par l'innovation, par l'égarement, quand il va en découler un grand mal plus que le bien qu'on espère, dans ces cas-là, on se suffit de lui rejeter, de lui refuter son erreur. On fait attention pour nous-mêmes de lui. Quand cet innovateur égaré, il a le pouvoir dans le pays, et qu'il est fort, et qu'il est peut-être, s'il est mufti du pays, ou il est ministre parmi les ministres du pays, comme le ministre des Affaires islamiques, ou le ministre de la Justice, ou quelqu'un qui est proche du gouverneur et de l'État, ou parmi les hommes de science qui sont des hommes de confiance chez l'État et chez le gouverneur, et nous, nous sommes faibles, dans ces cas-là, on le décrit avec rien. يقول الشيخ نقول هذا خطأ أخطأ الشيخ فلان في كذا ولا نقبله منه العبرة في الدليل الدليل عندنا على خلافه. Il dit, الشيخ, nous disons dans ces cas-là, quand nous sommes faibles, ça c'est une erreur. tel cheikh, c'est une erreur de sa part. Ce qu'il a dit est une erreur, on n'accepte pas cette erreur. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est la preuve. Il a preuve chez nous, il est différent, il est en divergence, il est le contraire de ce qu'a dit ce cheikh. Cheikh, frère Allah, Azzawajal, comment il faut agir pour ne pas tomber dans les ambiguïtés et que tout un chacun, on le remet à sa place, que dans la voie de l'épuisère d'Allah Alim, il n'y a pas la place à l'anarchie. Et revenons à ce que dit Cheikh Habibullah Ta'ala, « وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ عِلْمِيًا يُسْتَنَدُّ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وِفْقَ فَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ بَعِيدًا عَنِ الْمُهَاتَرَاتِ وَالْعِبَارَاتِ النَّابِيَاتِ الَّتِي تَجْعَلُ السَّامِعِينَ يَتَقَزَّزُونَ مِنْهَا وَيَنْفُرُونَ مِنْهَا وَيَزْهَدُونَ فِي الْحَقِّ الَّذِي عِنْدَنَا أَوْ الْحَقِّ الَّذِي عِنْدَكُمْ لما يسمعون من عبارات في غير محلها لا تليق بطلاب العلم. Et cher de nous dire, il faut faire très attention à ce point. Car c'est le point sur lequel sont les hommes de science. Hein? Il dit, Habibullah Ta'ala, il faut que la réfutation et la réplique soient scientifiques. Dont les bases de cette réfutation doivent être le livre d'Allah, la sunna du prophète, selon la compréhension des puiseurs d'Allah, loin de toute mauvaise expression, ou d'expression rabaissante, ou d'insulte, qui, ces expressions rabaissantes et insultantes vont faire que celui qui entend la réplique va s'éloigner de nous, il va s'éloigner de la vérité sur laquelle nous sommes, et sur la vérité que nous avons, quand il va entendre ces mauvaises expressions. Et quand, parce que ces expressions ne sont pas à leur place. Et ces expressions ne sont pas, il ne sied pas aux demandeurs de science de les utiliser. C'est-à-dire les insultes, les termes rabaissants et ainsi de suite. Et j'ouvre une parenthèse encore une fois, et je dis que les répliques de nos hommes de science sont scientifiques. Et rappelez-vous ce que dit Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, quand il parle de Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, il dit, et tous ceux qui répliquent à Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, n'ont pas la science avec eux, mais lui, il a la science avec. Ça veut dire que Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, est répliqué avec science, comme il l'a fait toujours, comme il le fait encore, hafidhahullah ta'ala, wa ta'abe. Et je reviens. إلى كلام الشيخ يقول فإن الرد الذي يستند على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ويجلى فيه الحق ويفند فيه الباطل فإن المنصفين يقبلونه ولا ينازعون فيه وإن كانوا يحبون ذلك المخالف وهذا مجرب بارك الله فيكم فتفتنوا إليه يدي حفظه الله تعالى car la réfutation et la réplique dans la base c'est le livre d'Allah et la sunna avec la compréhension du puiseur d'Allah alayhim, la vérité est claire dans cette réplique, basée sur le livre et la sunna et la compréhension du puiseur d'Allah alayhim. Et le faux va s'anéantir, et ceux qui sont équitables acceptent cette réfutation. Ils ne litigent pas, ils ne combattent pas pour le faux, même s'ils aiment le divergent. Et ceci est expérimenté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, soyez éveillés à cela. Donc vous avez vu, frère en Allah, Azzawajal, vis-à-vis de celui qui est tombé dans l'erreur, il y a deux positions. Soit il est tombé dans l'erreur, dans une situation où il n'y a pas la place à l'effort d'interprétation, soit dans les fondements et les détails de la religion que les textes vont avec le contraire de ce qu'il a fait. Donc, s'il fait partie des gens de la sunna, on le respecte, etc., et les hommes de science lui répliquent et lui rejettent son erreur, tout en respectant sa place, tout en lui réservant l'honneur et la place qu'il lui dit quand il s'agit d'un homme de la sunna. Et si c'est quelqu'un qui suit ses passions, donc la réplique, il est comment? Il est forte, il est ferme. Hein? Mais si maintenant ceux qui répliquent, qui sont les gens de la sunna, etc., n'ont pas la force et n'ont pas le pouvoir, et cet innovateur, il a une grande puissance dans l'état, etc., comme nous l'a expliqué Cheikh, dans ces cas-là, il rejette l'erreur sans prononcer le nom de la personne. Hein? Il dit ça, ce qu'a dit tel Cheikh, c'est une erreur, on ne l'accepte pas. Là, ce qu'il faut prendre en considération, c'est les preuves. Yaqoul le Cheikh, النوع الثاني من المخالفات في أمر يسوغ فيه الاجتهاد. الشيخ de nous dire, la deuxième catégorie de divergence ou des erreurs, c'est dans une situation où la situation est le sujet est un sujet qui supporte la, la, l'effort de l'interprétation. Donc où il y a lieu à ce que l'homme de science digne de l'effort d'interprétation fasse une interprétation. يقول الشيخ حفظه الله النوع الثاني من المخالفات في أمر يسوغ فيه الاجتهاد يقول فأنت تبين قولك حسب ما ترجح عندك ولا تشنع على الطرف الآخر ولا تحذر منه ولا تصفه بالمبتدع الضال ولا الزائغ ولكن تقول الصواب عندنا كذا. Il dit, en ce qui concerne la divergence sur un sujet dans lequel il y a la place à l'effort d'interprétation, toi tu donnes les preuves à ta parole et à ta position. Mais tu n'es pas dur avec l'autre côté. Et tu n'avertis pas contre le côté, l'autre côté, qui a pris une autre position autre que la tienne. Et tu ne le décris pas comme innovateur égaré. Non, et non pas comme quoi il a dévié. Mais tu dis, la vérité pour nous, c'est telle chose. Et tu ramènes tes preuves. C'est tout. يقول الشيخ وعلى سبيل المثال الترتيب في الوضوء فالجمهور على وجوبه ومن ذلك الإمام أحمد وأصحابه رحم الله الجميع والأحناف ومن وافقهم على أنه لا يجب فنحن نرد على الأحناف من غير تثريب من غير إغلاظ في القول نقول الراجح عندنا أو أرجح القولين الوجوب. Et الشيخ de nous donner un exemple, dire comme exemple lors dans le dos. Les dire Jumhur, c'est-à-dire, le Jumhur ici, si vous voulez, avec une grande partie des hommes de science parmi les compagnons, ceux qui les suivent à la perfection, et parmi aussi les hommes de science de différentes écoles de jurisprudence. Hein? Il dit, le Jumhur, il est sur le fait qu'il est obligatoire de l'ordre dans le dos. Il fait partie de ces hommes de science qui voient l'obligation de l'ordre dans le dos, l'imam Ahmed, ainsi que ses disciples. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. Quant à l'Ahnaf, quant au Hanafi, et ceux qui vont dans le même, qui ont pris la même voie que le Hanafi, ils voient qu'il n'est pas obligatoire. Et cher de dire, nous nous répliquons au Hanafi sans avertir contre eux, sans être durs avec eux. Mais nous disons tout simplement, la parole avenante, valide pour nous est ceci. Et la parole la plus forte des deux, c'est l'obligation. Et ainsi de suite. يقول ومثال آخر تارك الصلاة متهاونا فالجمهور على أنه فاسق يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا حكمه حكم غيره من الفساق يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أهله وهذا قول الزهري ومالك وهو رواية عن الإمام أحمد وكذلك قال به غير هؤلاء الجمهور كما قدمت لكم. Il dit, un autre exemple, celui qui délaisse la prière par fainéantise et par laxisme. Jumhur, c'est-à-dire une grande partie d'hommes de science, sont sur le fait que celui-là, il est pervers. On lui demande de se repentir. S'il se repent, c'est bon. Sinon, sa sentence, c'est qu'il soit tué. Hein? Et son jugement, c'est comme le jugement du pervers. Hein? On le lave, on le met dans le linceul, on prie sur lui et on l'enterre dans les cimetières des musulmans. Et sa famille, parmi les musulmans, ont droit de l'hériter. Et ça, c'est la parole sur laquelle, la voix sur laquelle était Zuhri, rahimahullah, ainsi que l'imam Malik, et une diversion de l'imam Ahmed, et aussi beaucoup d'autres, parmi une grande partie d'hommes de science, sont allés dans ce sens-là. يقول والرواية الثانية عن الإمام أحمد وعليها محققون أئمة ومنهم الشيخ عبد العزيز الإمام الأثري المجتهد بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين الإمام الفقيه المحقق المدقق المجدد رحمة الله عليه على أنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل ردة وعليه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يرثه المسلمون من أهله ما له ما له فيء يصرفه الحاكم في المصارف العامة للمسلمين. Il dit la deuxième version de l'imam Ahmed, sur laquelle sont beaucoup d'authentificateurs parmi les grands imams, et parmi ces grands authentificateurs, l'homme de la preuve et l'imam par excellence, l'homme de l'ijtihad par excellence, Ibn Baz, ainsi que Cheikh Al-Uthaymeen, le jurisconsulte par excellence, et l'authentificateur et l'homme de la minutie, dont la jurisprudence et l'homme de l'effort par excellence, sont sur le fait que celui, même s'il délaisse la prière par négligence et par fainéantise, il est mécréant. On lui demande de se repentir. S'il ne se repent pas, sa sentence, c'est qu'il doit être tué par le gouverneur parce qu'il est apostat, par apostasie. Et dans ces cas-là, il n'est pas lavé. On ne lui met pas de linceul. On ne prie pas sur lui. On lui fait dua. Sa famille, parmi les musulmans, n'ont pas à l'hériter. Sa fortune et ses biens sont un butin. Et le gouverneur doit le mettre dans l'intérêt général de la communauté musulmane. فإذا مضت في حال هاتين الطائفتين من الأئمة رحمة الله عليه لم تجد أن المفسقين يصفون المكفرين بأنهم خوارج كذلك لم تجد أن المكفرين يصفون المفسقين بأنهم مرجئة لماذا؟ لأن الكل عنده أدلة قوية يرجع إليها في هذا الأصل الذي ذهب إليه et cher de nous dire et d'attirer notre attention il dit quand tu regardes la position de ces deux groupes parmi ces grands imams que Allah SWT les couvre de sa sainte maison, ceux qui le rendent pervers et ceux qui le rendent mécréant. Tu vois que ceux qui le rendent pervers ne décrivent pas ceux qui le rendent mécréant comme khawarij, comme ceux qui le rendent mécréant ne décrivent pas ceux qui le rendent pervers comme morji'a. Pourquoi? Parce que les deux côtés ont des preuves très fortes et chacun revient vers ses preuves et vers ses fondements vers lesquels il est allé. Il faut que ça s'ancre dans notre esprit et que nous le comprenions. Donc je dis qu'il est obligatoire pour nous de comprendre comment nous devons être devant la divergence, disons, de science et comment nous devons accueillir leur réfutation quand ils réfutent les erreurs et comment nous devons respecter leur position et quand ils sont dignes, des hommes dignes de science et des hommes de la voie de nos puiseurs d'Allah alayhim. Et combien même, comme nous l'a enseigné ici au début de cette question, la Cheikh Awad Hafidallah, nous devons garder l'honneur et le respect pour l'homme de science digne de la voie de puiseurs d'Allah alayhim, qui est tombé dans l'erreur. Et quand les hommes de science lui ont répliqué, notre devoir en tant que minus, c'est de dire, les hommes de science ont répliqué à tel par ceci, et les preuves sont là, etc. Et on montre, et on ne ramène pas, on ne commence pas nous à déserter, et à donner des titres, qui ne correspondent pas à la parole de nos hommes de science. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va? On va divaguer? Et on va sortir la réplique et la réfutation scientifique des hommes de science de sa place. Et on aura accompli une énorme erreur à l'islam. Yaqul al-Shaykh, habidakallah, Bahiyan Aqul, et cher de nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, et je veux que vous soyez éveillés sur cet ensemble de questions-réponses du Cheikh, parce qu'ils sont, pour notre époque, ils sont très importantes. À une époque où les ambiguïtés ne cessent d'arriver. Baqiyan aqul, hada al-alim al-jalil, alladhi akhta'a fi amrin, tarawnahu rajihan. Hada ara an yunasah, wa an yubayyin lahu khata'uh. Fa in lam yaqbal minkum, sarfa'u al-amra إلى علماء أكبر منكم ومنه فإنهم يناصحونه ويبينون له وسوف ترده السنة إن شاء الله تعالى. Il dit, حفظه الله تعالى, il me reste à vous dire que ce noble homme de science qui est tombé dans l'erreur, dans cette situation dans laquelle vous voyez qu'il est tombé dans l'erreur, dans une situation qui est valide, et il est tombé dans l'erreur. Et dit, celui-là, je vois qu'il faut le conseiller, et qu'on lui montre son erreur. S'il n'accepte pas, dans ces cas-là, on prend son erreur, et on l'amène à un grand homme de science, qui est plus grand que nous, et que lui. Et eux, ces grands hommes de science, vont le conseiller, vont lui montrer, son erreur. Et Inch'Allah, la sunna va le ramener Et regardez bien la phrase qu'il a employée. Il a ulama akbara minkum wa minhu. Vous ramenez la situation après le conseil que vous lui avez envoyé, vous ramenez la situation à des hommes de science qui sont plus grands que lui et plus grands que vous. Et on ne ramène pas la situation vers des jeunes, hein, et vers n'importe quel beau parleur. Abadan, nous autres les minus, nous devons rester à notre place. هذا الآن يقول الشيخ عبيد حفظه الله ومتع به هذا الألباني رحمه الله وسائر أئمة المسلمين أهل السنة والهدى رحمهم الله يرى أن وجه المرأة ليس بعورة يجوز لها كشفه والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرون خلاف ذلك لكن لم يشنعوا عليه وأهل العلم يردون على الشيخ ناصر رحمه الله من غير تشنيع عليه ولا تثريب ولا شطط يلجي حفظه الله تعالى الألباني رحمه الله et les autres imams des musulmans parce qu'ils considèrent l'Albani comme imam il dit les autres imams des musulmans parmi les gens de la sunna et de la guidée que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa miséricorde voyez que le visage de la femme n'est pas une aura et qu'elle lui permet de le découvrir. Mais Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, ainsi que Cheikh Mohamed ibn Athaymin, rahmatullah alayh, ainsi que Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, rahmatullah alayh, voient, hein, ils ont une autre position sur le visage. Voient que c'est une aura, qu'il faut le couvrir. Mais quand ils ont répliqué à Cheikh Nasr, rahimahullah, ils ne l'ont pas dénigré, ils ne l'ont pas rabaissé, ils n'ont pas utilisé des termes. Hein? Mais ils ont gardé l'honneur de cet homme de science et ils lui ont répliqué avec science, avec les preuves, ils ont mis en avant les preuves qu'ils avaient, ou lesquelles ils croyaient. كذلك يقول الشيخ حفظه الله كذلك يرى رحمه الله تحريم الذهب المحلق ويستدل له ومن ذكرت من علمائنا وغيرهم لا يثربون عليه يقولون أخطأ الشيخ ناصر الألباني في هذا والصواب كذا وهكذا بارك الله فيك أهل العلم يوقر بعضهم بعضا وقد بينت لكم من قبل الميزان الذي عرفته من كلام أئمتنا وعلمائنا في المخالفة والمخالف فتفطنوا إلى ذلك فليس الأمر على حد سواء. Il dit, il en est de même. Cheikh Nasr voit que l'or et les bijoux en forme d'anneau sont interdits. Il a ses preuves. Et ce que j'ai cité comme homme de science, c'est-à-dire Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Ibrahim, voit hein, le contraire. Ils ont répliqué à Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, mais ils ont été d'un comportement du plus noble avec. Ils ne l'ont pas dénigré, mais ils ont dit. Hein, la parole sûre et la parole hein, forte concernant l'or en anneau, hein, c'est ceci et cela. Et ils ont pris une position qui est le contraire de Cheikh Nasr rahmatullah alayh. Il dit, Cheikh Obaid, de nous dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Les hommes de science se respectent les uns les autres. Il dit, je vous ai montré la balance que j'ai connue, que j'ai appris de la parole des imams, de nos imams et de nos hommes de science dont en ce qui concerne la divergence et celui qui est tombé dans la divergence. Soyez éveillés à tout ça. La situation n'est pas identique. La situation n'est pas identique. Donc, et nous devons être comme vous l'avez entendu dans cette réponse qui est très claire. Et j'espère que là, ce point, qu'on n'a plus d'ambiguïté là-dessus. Et j'ouvre une parenthèse et je dis, il faut qu'on comprenne le sujet de la réplique scientifique et qu'on n'ait pas d'irritation dans notre cœur quand il y a des répliques des hommes de science entre eux. Et qu'on n'entend pas comme ce que j'ai entendu avant-hier, mais n'est-il pas de l'intérêt de la communauté qu'on se taise les uns sur les autres ? C'est-à-dire que les hommes de science se taisent les uns sur les autres. Subhanallah, c'est eux qui ont la science, c'est nous. C'est nos hommes de science qui sont dignes du nom et dignes de la voix du plusieurs dans l'âme qui ont la science, ils savent où il est l'intérêt ou alors c'est nos autres minus. Et ça, c'est une parole qui est très dangereuse, parce que c'est de l'audace, c'est avoir de l'audace devant la parole des hommes de science et ne pas respecter. Est un manque de respect vis-à-vis de nos hommes de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène à notre raison. وياتي السؤال الثاني يقول احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا سائل يسال ويقول كيفيه التعامل مع اهل البدع والاهواء من الجانب الديني والدنيوي. Et la deuxième question, bismillah, la deuxième question arrive ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. C'est un quelqu'un qui pose la question ainsi. Il dit: comment se comporter avec les gens de l'innovation et les gens qui suivent les passions dans la religion et dans les choses de ce bas monde? En ce qui concerne la religion, d'un côté religieux et d'un côté mondain. Yaqul awwalan ahlu sunnah indahum mizan mustaqim wa manhaj salim fahum yubghidun al bid'ah ويستنكرونها وكذلك يبغضون المبتدعة الذين يدعون إلى بدعهم وينافحون عنها وينشرونها بما أوتوا من قوة وما استطاعوا من وسيلة ويحدلون منهم ومن مجالستهم ومن مجادلتهم. Il dit premièrement, il dit حفظه الله تعالى, premièrement, ouvrez bien vos oreilles, frères en Allah عز وجل. Premièrement, les gens de la sunna, ils ont une balance qui est droite, une voie qui est saine. Ils détestent l'innovation, ils rejettent l'innovation, ils détestent les innovateurs qui appellent à l'innovation, ils détestent les innovateurs qui appellent à l'innovation et qui défendent et qui combattent pour l'innovation et qui propagent l'innovation par tous les moyens qu'ils ont. Hein? Et ils avertissent contre eux, c'est-à-dire les hommes de la sunna avertissent contre eux. Hein? Ceux qui appellent à l'innovation et qui la propagent, et ils avertissent contre le fait de s'asseoir avec eux et de débattre avec eux. On ne s'assoit pas avec eux et on ne débat pas avec eux. يقول ومن ذلك ما رواه ابن بطة في الإبانة عن أيوب السختياني قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعة لا تقل في القرآن برأيك وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا أو قال يقر فيه ما شاءوا. Et ici il nous cite des paroles de noble imam qui nous donne des conseils. Et rappelez-vous cela, mémorisez-les, ces quatre points. Il nous dit que Ibn Battah dans l'Iban al-Kubra rapporté de Ayyub Sirtiani qui a dit qu'Abu Qilab lui a dit: ou Ayyub, mémorise de moi quatre points. Ne desserte pas sur le Coran avec ton opinion. Ne ramène pas des explications sur le Coran avec ton opinion. Et attention au destin, c'est-à-dire ne desserte pas sur le destin. Et quand on évoque les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam, c'est-à-dire quand on parle mal d'eux, il ne faut pas. Hein, retiens ta langue. Et attention, ne laisse pas ton oui, et ne donne pas ton oui aux gens de l'innovation, car ils vont y jeter ce qu'ils peuvent, ou ils vont y ancrer ce qu'ils peuvent. Mémorisez-les, frères en Allah, Azza wa Jal. Desserte pas sur le Coran avec ton opinion. Attention, ne desserte pas sur le destin d'Allah. Et quand on parle des nobles compagnons, de ce qui s'est passé entre les nobles compagnons, retiens ta langue. Et jamais tu dois t'asseoir pour écouter un des gens qui suivent leur passion, parce qu'ils vont ancrer le faux dans ton cœur, à l'islam. Warawa an Mas'ab ibn Sa'd rahimahullah, rahimallahu al-jami', qala la tujalis maftunan فإنه لن يخطئك من إحدى إثنتين إما أن يفتنك فتتابعه أو قال فتتبعه أو يؤديك قبل أن تفارقه. Et il nous rapporte aussi de l'Ibana ibn Batta, l'Ibana al-Kubra, que il rapporte de Mas'ab ibn Sa'd, que Allah subhanahu wa ta'ala couvre les imams tous de ses saintes miséricordes. Mas'ab ibn Sa'd a dit ne t'assois pas avec un perturbé, c'est-à-dire un perturbé qui n'est pas sûr la vérité. Car tu ne vas pas être épargné de deux choses de la part de ce perturbé de la, qui est perturbé sur la vérité et qui est loin de la vérité et qui est perturbé par les passions et par les innovations. Soit il va te perturber, tu vas le suivre. Soit il va te faire du mal avant que tu t'en sépares. Avant que tu t'en sépares, il va te faire du mal. Donc n'importe comment, ces grands imams sont d'un grand conseil pour nous. Il faut s'éloigner des gens de l'innovation et des prêcheurs de l'innovation. والنقل عن هؤلاء الأئمة بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداء من أئمة التابعين يحذرون هذا التحذير وينكرون هذا النكير الشديد لأن المقصود تصفية السنة من البدع والمحدثات في الدين ووقاية أهل السنة من خطر المبتدعة ولذا هم يفرقون بين المبتدع الداعية وبين الساكت لأن الساكت لا يضر أحدا يضر نفسه. Et il dit, Hafidahullah Ta'ala, et les textes qui nous ont été transmis de ces imams, de ces grands imams, commençant par les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu salam, et les imams, parmi leurs successeurs, avertissent cet énorme avertissement. Hein? Et rejettent d'une grande force, hein? Les innovateurs et leur innovation, car le but c'est de purifier la sunna de l'innovation et de purifier la religion de toute chose innovée qui va s'y immiscer et protéger les gens de la sunna du danger des innovateurs. Et avec ça, ils font la différence entre l'innovateur qui est prêcheur, qui appelle vers sa bid'a, et entre l'innovateur qui se tait, qui n'appelle pas à sa bid'a. Car celui qui se tait, qui n'appelle pas à sa bid'a, il fait du mal qu'à lui-même. C'est pour ça qu'ils sont sévères avec celui qui appelle. Pourquoi ? Parce que celui-là, il jette son venin dans la communauté. Hein ? Mais j'ouvre une parenthèse, ne commencez pas à dire maintenant, mais il n'y a que sur le terrain, il n'y a que qui font des cours en français, il n'y a que en Belgique, il n'y a que, hein, casse-tête et, hein, et j'en passe, il n'y a que cela sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a mieux que ça, Akhal Islam. Protège-toi, protège ton esprit. Protège ta religion. Et je reviens à la réponse de Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Wa yaqulu Hafidhahullah wa matta'a bih wa kana ahlus sunnati ala hadhihi shidda wa hadhihi alquwwa ala ahli albatil wad dalalat hinama takunu lahum ash-shawka wal kaffatu ar-rajiha فإنهم يتصدون للبدع وأهلها بكل قوة كما أنهم إذا كانوا ضعفاء لا حول لهم ولا قوة والشوكة للمبتدعة والصولة لهم والكفة الراجحة لهم فإنهم ينتهجون الحكمة ويكتفون بالتحذير من البدع والمحدثات في دين الله. Il dit حفظه الله تعالى mémorisez ceci, mettez-le en application. C'est une parole d'un homme qui conseille la communauté et qui a, hein, une compassion pour la jeunesse musulmane. Il dit, ainsi les gens de la sunna étaient fermes et étaient durs quand ils avaient la puissance, quand ils avaient le pouvoir. Ils étaient fermes et durs avec les gens de l'innovation et de l'égarement, quand ils avaient la force. Hein? Quand ils ont la force, ils s'attaquent aux gens de l'innovation avec force. Mais quand ils sont faibles, mémorisez ceci, et quand ils sont faibles, ils n'ont aucun pouvoir, et que le pouvoir est dans les mains des innovateurs, hein, ils utilisent la voie de la sagesse, et il se suffit tout simplement d'avertir contre les innovations dans la religion d'Allah, sans s'attaquer aux personnes, hein, c'est la voie de la sagesse. Et tu l'entends, hein, d'un homme qui est digne du conseil pour toi. يقول حفظه الله: فالله الله يا أبناءنا في المغرب العربي في جميع أنحاء المسلمين، إياكم ثم إياكم أن تخالفوا هذا المنهج، عليكم بالحكمة، فإن سلفكم يستعملون الشدة حين لا تنفع إلا الشدة وتكون لهم قوة، ويستعملون الرفق حيث لا ينفع إلا الرفق. وعلى هذا يخرج قول ابن سيرين وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس، هذا أول ما أوصيكم به. إلدي حفظه الله تعالى ومتع به. الله الله أو enfant du grand Maghreb. Parce que cette série de questions a été demandée par les Maghrébins d'Agadir. Il dit: Allah Allah, ô nos enfants au Grand Maghreb et dans tous les pays de l'islam, attention, attention, ne dévergez pas avec cette voie et cramponnez, ayez de la sagesse. C'est-à-dire mettez les choses à leur place, car vos aïeuls utilisaient la fermeté et la force au moment que ne sert que la force et au moment où ils sont forts. Ils utilisent la douceur au moment où il n'y a que la douceur qui va servir. Et il dit, c'est comme ça que se comprend la parole d'Ibn Sirin et d'autres grands imams quand ils ont dit: ô gens de la sunna, soyez doux, car vous êtes peu nombreux. Et il dit ça, c'est la première chose que je vous conseille. C'est-à-dire, soyez doux, donc, et c'est-à-dire, ayez de la sagesse quand vous n'avez pas la force et vous êtes peu nombreux. Hein? N'attaquez pas de front directement. Quand les innovateurs, ils ont la force et le pouvoir. Et il dit, Havidahullah Ta'ala, ça, c'est le premier conseil que je vous donne. يقول ثانيا: أوصيكم يا أبناءنا في المغرب العربي ويا أبناءنا من المسلمين الذين تصل إليهم هذه الرسالة المسجلة، أوصيكم بالإقبال على العلم الشرعي. والعلم الشرعي ما هو؟ هو فقه الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح. ومما أوصيكم به كتب العقائد التي ألفها أئمة السلف مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والتوحيد لابن منده، والإيمان له، والتوحيد لابن خزيمة، والإبانة الكبرى لابن بطة العبقري، وشرح أصول السنة للللكائي، ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، ومكتبة شيخ الإسلام المجدد الثالث في هذه الجزيرة حسب ما علمناه، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما شاكلها من الكتب التي نقلت لنا، التي نقلت لنا أصول الدين وفروعه نقلا مأمونا موثوقا. Il dit, Habibullah Ta'ala, deuxièmement, je vous conseille, mes enfants au Grand Maghreb et mes enfants musulmans auxquels va arriver cette risala, ce message enregistré, je vous conseille de tenir à la science légiférée et d'apprendre la science légiférée. Et la science légiférée, c'est quoi? C'est la compréhension du livre d'Allah et de la sunna du messager alayhi salam selon la voie des puiseurs d'Allah alayhim. Et je vous conseille des livres dont les croyances que les imams des salafs ont écrit, telle la sunna d'Abdullah ibn l'imam Ahmed, et la sunna d'Ibn Abi Asim, et la sunna d'Ul Khalal, et le tawhid d'Ibn Mundeh, et l'imam d'Ibn Mundeh, et le tawhid d'Ibn Khuzayma, l'Iban al-Kubra d'Ibn Battal al-Abquri, et l'interprétation du fondement de la sunna d'Ibn Lakaï, et la librairie, et la grande librairie du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ainsi que la librairie de son élève, Cheikh l'Islam Ibn Qayyim, et la librairie de Cheikh l'Islam, le troisième réformateur dans la péninsule, selon ce que nous connaissons, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayh, et les livres qui sont similaires à ceux-là, qui nous décrivent et qui nous transmettent les fondements de la religion et les détails de la religion, une transmission digne de confiance et saine. Et à côté de cela, moi je te dis, frère en Allah, Azza wa Jal, pour que tu puisses goûter à ces livres et à l'interprétation au nom de Dieu de ces livres, il faut que tu tiens et que tu t'acharnes à apprendre la langue qui véhicule et qui parle avec laquelle ont été écrits ces livres. Qu'Allah, tout court de sa sainte miséricorde, donne ton temps à apprendre cette langue, parce que c'est elle qui va te mettre, que tu sois à l'aise devant la parole des hommes de science, devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, et devant la parole de ton messager alayhi salatu salam et de ses nobles compagnons radouanullahi alayhim. يقول حفظه الله تعالى ومتع به ومن كتب الحديث الكتب الستة ومعروفة ومسند الإمام أحمد وسنان الدارمي وموطأ الإمام مالك وسنان الدارقطني ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وما شابهها من كتب الحديث التي تلقاها الأئمة بالقبول. Il dit حفظه الله تعالى et parmi les livres du hadith, il te conseille les 6 livres de la sunna qui sont connus de tout le monde, et le Musnad de l'Imam Ahmed, et les Sunan de Darimi, et Mouta l'Imam Malik, Sunan Darakotni, Moussadrak al-Hakim, l'authentique d'Ibn Hibban, et les livres qui sont similaires à ces livres du Hadith que les imams ont accueillis et ont acceptés. ومن كتب التفسير تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير ابن أبي حاتم الموجود منه وتفسير البغوي وتفسير القرطبي هو جيد في اللغة والفقه أما في العقيدة فالذي ظهر لي أنه عنده تأويلات ينبغي أن يتفطن لها وكذلك تفسير ابن السعدي ابن سعدي وهو علامة معاصر رحمه الله تعالى. Il dit حفظه الله تعالى et parmi les livres de l'interprétation du Coran, je vous conseille l'interprétation du Coran d'Ibn Jarir, ainsi que celle d'Ibn Kathir, ainsi ce qui nous a été transmis, à ce que nous trouvons de l'interprétation d'Ibn Abi Hatim, ainsi que l'interprétation du Baghawi, et l'interprétation de Al-Qurtubi, il est très bonne en ce qui concerne la langue arabe et la jurisprudence, mais au niveau de l'Aqida, il dit ce qui m'a apparu, c'est qu'il a des fausses interprétations à laquelle il faut faire très attention. Et il a dit aussi, je vous conseille le livre de l'interprétation du Coran de Saadi, qui est un homme de science, une éminence de science contemporain, rahimahullah ta'ala. Il dit, وَمِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ الْمُخْتَصَرَاتُ عِنْدَنَا عُمْدَةُ الْفِقْهِ لِبْنِ قُدَامَ وَمِنْهَاجُ السَّالِكِ لِبْنِ سَعْدِي وَمَنَارُ السَّبِيلِ لِبْنِ ضُوَيَانَ وَالْمُطَوَّلَاتُ مِنْهَا الْمُغْنِي لِبْنِ قُدَامَ وَالْمَجْمُوعُ لِلنَّوَاوِي وَالْمُدَوَّنَةُ لِسَحْنُونَ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِي رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ وَغَيْرُهَا كُتُبٌ كَثِيرَةٌ. Il dit, et parmi les livres de la jurisprudence, les résumés chez nous, ce sont عُمْدَةُ الْفِقْهِ qui est d'Ibn Qudama, ainsi que Minhaj Salikin ibn Sa'di, Manar Sabil ibn Duwayan, et les longs, et ceux qui sont dans le détail, Mughni d'Ibn Qudama, ainsi que le Jmou' al-Nawawi, et la Mudwana de Sahnoun, dans l'école de jurisprudence malikite, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre tous de sa sainte miséricorde, et d'autres livres qui sont nombreux. Il dit, حفظه الله تعالى, وكذلك أحذركم من الكتب الفكرية وعلى رأس ما نحذر منه كتب الغزالي المصري السقة وكتب يوسف بن عبد الله القرضاوي المقيم في قطر وكتب سيد قطب لا سيما معالم في الطريق فإنه ينضح بالتكفير وتفسيره فإنه مليء بالضلالات وكتبه كلها ضلال وكتب الندوي وكتب المودودي وكتب جميع الإخوان فإنها حرف أو انحراف بالمسلم من السنة إلى البدع والمحدثات إذا تتلمذ عليها وجعل ما فيها دينا يدين لله به. Et il dit, et je vous avertis contre les livres qu'on appelle les livres de la pensée, les livres du fikr. Et à la tête de ces livres, les livres de Ghazali et le contemporain égyptien Saqqa qui est mort. Et les livres de Yusuf ibn Abdullah al-Qaradawi qui réside à Qatar. Et les livres de Saïd Qutb, surtout Jalon sur la route, qui malheureusement est traduit en français, dans lequel il y a du takfir et aussi l'interprétation du Coran de Sayyid Qutb, car il est plein d'égarements, et tous ses livres sont pleins d'égarements, ainsi que les livres de Nadawi, et les livres de Maududi, et tous les livres des frères musulmans, car c'est de la déviation, car ces livres, c'est une déviation, ils vont dévier le musulman de la sunna vers l'innovation, et si le musulman s'éduque et prend sa religion de ces livres, il va être dans l'innovation et dans l'égarement. يقول وثالثا عليكم ملازمة أهل العلم الذين عرفتم وعرف الناس غيركم منهم الاستقامة على السنة الاستقامة على السنة ومناصرتها ومناصرة أهلها والدب عنها والدب عن أهلها من كان حيا فلازموه بالجلوس عليه وبالأخذ من كتبه إن لم تستطيعوا أو أشرطته ومن كان ميتا فمما خلفه من الكتب المفيدة التي تركها وهو على السنة إن شاء الله. Il dit troisièmement, je vous conseille le fait de vous cramponner aux hommes de science qui sont connus, hein, de leur voiture, qui sont connus de la sunna et de la voix des plusieurs d'Allah alayhim, et qui sont connus des hommes de science, et que les gens connaissent, comme quoi ce sont des hommes de science salafis, et qui font triompher la sunna, et qui défendent la sunna, et qui défendent les gens de la sunna. Ceux qui sont vivants, cramponnez-vous à eux, allez s'asseoir à leur cercle, et prenez d'eux, et de leurs livres si vous pouvez, si vous pouvez pas, hein, ou alors de leurs cassettes si vous ne pouvez pas aller à leur cours et à leurs assises. Et ceux qui sont morts, vous devez prendre de ceux qu'ils ont laissés comme livres, hein, comme livres intéressants qu'ils ont écrits, qu'ils ont laissés. Et ils sont sur la sunna, incha'Allah. Ça, ce sont les conseils de Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dans cette deuxième question. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des oreilles qui écoutent et des cœurs qui soient réceptifs à ces nobles conseils de ce grand homme de science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance et dans la défense de cette fatwa, de cette voie. As-su'al al-thalith. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم سائل آخر يزيد تأكيدا على السؤال السابق ويقول هل يجوز التعامل مع الحزبيين في أمور الدنيا كالتجارة حيث إن بعض الشباب يفعل ذلك ويقول أنا لا أتعامل معهم إلا في أمور الدنيوية. Et la troisième question, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, hein? Un autre il dit pour encore éclairer plus sur la question. La deuxième question, il dit, est-ce qu'il est permis d'avoir des transactions avec les Hizbis et d'avoir une relation avec les Hizbis en ce qui concerne les choses de ce bas monde, comme le commerce? Parce que certains jeunes le font et ils disent, moi je n'ai qu'une relation commerciale, une relation qui concerne ce bas monde avec tout simplement. يقول حفظه الله أقول إن استطعتم أن تباعدوا المبتدع فلا تشاركهم في أي نشاط ديني أو دنيوي فافعلوا. Il dit حفظه الله تعالى, si vous pouvez vous éloigner des innovateurs et ne pas être associé à eux, que ce soit dans ce qui concerne, hein, une activité religieuse ou une activité de ce bas monde, faites si vous pouvez. يقول أما النشاط الديني ويسمونه النشاط الدعوي الدعوة فلا تمكنوهم فلا تعينوهم على بناء مساجد تنصر من خلالها البدعة ولا على مدارس تنشر خلالها البدعة ولا على طبع كتب تنشر فيها البدعة أبدا لأن من أعانهم وهو يعلم حالهم فإنه مثلهم شاء أم أبا. Il dit contre à l'activité religieuse qu'ils appellent l'activité au niveau de la da'wah, ne leur donnez pas la possibilité de le faire et ne les aidez pas à construire des mosquées à partir desquelles ils vont propager l'innovation et ne les aidez pas à construire des écoles à travers lesquelles ils vont propager l'innovation et ne les aidez pas à éditer des livres dans lesquels ils vont propager l'innovation car celui qui les aide et il connaît leur situation, il est comme eux, qu'ils le veuillent ou non, celui qui les aide et il sait qu'ils sont des innovateurs, il est comme eux, qu'ils le veuille ou non. يقول حفظه الله أما الأمور الدنيوية فهذه عندما تحتاجون إلى ذلك ويكون الرجل منكم محسنا تحصينا قويا في العقيدة الصحيحة وتحصينا قويا في السنة وتحصينا قويا في الحذر من البدع واحتاج إلى التعامل مع هؤلاء فلا مانع على أن يكون ذلك بقدر الحاجة وليحذر من المخالطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Quant aux choses de ce bas monde, si vous en avez besoin, et que la personne, il est forte au niveau de sa religion, forte, il a une aqidah qui est solide, hein, et que il se cramponne à la sunna, il a une grande connaissance de la sunna, il a une citadelle qui le protège, hein, de la sunna, et qu'il est fort dans le fait de faire très attention aux innovations, et il a besoin, hein, il a une nécessité à avoir une relation avec eux, une transaction avec eux, il n'y a aucun mal. Mais cela doit se faire selon le besoin, il ne doit pas dépasser le besoin. Et qu'il fasse très attention à ne pas se mélanger à eux. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'être humain est sur la religion de son intime, et chacun de vous doit regarder qui est son intime. يقول فهذا امر خطير هذا امر خطير فكم من رجل جرفته الامور الدنيويه حتى انسلخ واصبح اما عدوا للسنه واهلها او ميت الغيره ليس فيه ولاء ولا براء. Il dit car ceci est une situation qui est très dangereuse. Combien d'hommes, les choses de ce bas monde et le commerce l'a entraîné jusqu'à, hein, devenir un ennemi de la sunna et des gens de la sunna, ou alors il n'a plus aucune réaction devant les innovations, il n'a plus, hein, d'alliance ni de désaveu. Tout ça a été tué en lui par le fait, par les choses de ce bas monde et cette relation dans le mondain et dans le commerce avec ses innovateurs. يقول فإذا أردت أن تتعامل معه بأن تشغله عندك وتكون أنت المشرف وأنت الناظر عليه فهذا لا شك أنه أسلم وإن احتجت لأن تعمل معه هناك أمور بليت بها في التجارة فاحتجت إلى العمل معه فلتحذر لتكن معاملتك معه معاملة دنيوية فقط خذ دينار واعطني دينار فقط هذا حسابه كذا وهذا حسابه كذا ولا تتوسع وتدخل معه حتى يجرك إلى التعامل في الدين أو النشاط الدعوي. Et il a dit, et quand tu veux avoir contracté une relation avec, ou tu veux l'employer chez toi, et toi tu en es le responsable, et que c'est toi qui le dirige, il dit, ah là, il n'y a pas de problème. Hein, ça peut être une situation qui est concevable. Hein? Mais si tu as besoin de travailler chez lui, hein, tu as besoin de travailler avec, il y a des choses dont le commerce a besoin. Tu dois faire très attention. Tu as besoin de les contracter avec lui ou d'avoir rapport avec lui. Tu dois faire très attention. Que ta relation doit être avec lui seulement concernant, hein, les choses de ce bas monde. Ça, son prix, c'est 1 euro. Ça, tiens, voilà le compte de celle-ci. Voilà le compte de là. Et ne t'étale pas avec lui. Ne desserte pas avec lui. Ne discute pas avec lui. Ne rentre pas avec lui dans les discussions. Car il va dans des discussions qui vont t'amener après que lui, il va te tirer à ce que tu aies une relation avec lui au niveau de la religion et peut-être au niveau de l'activité de la da'wah. Regarde ces nobles conseils, frère en Allah, Azza wa Jal. Et ne sois pas un but de toi-même. Moi, j'ai la force. Moi, je sais faire la part des choses. Combien de nos frères disaient ça? Ils sont tombés sur leur tête, hein, dans le giron de ces grands innovateurs. Parce qu'ils sont rusés. Et ils prennent le temps. Contrairement à beaucoup parmi nous qui se précipitent sur les situations. يقول وإذا استغنيتم ببعضكم يا معشر السلفيين فهذا أسلم لدينكم وعرضكم وهذا الذي نحرضكم عليه وندعوكم إليه أحب ما إلينا أن تستغنوا عن الحزبيين والحركيين وجميع أهل البدع. Il a dit, mais si vous pouvez, ô jeune salafi, être indépendant, hein, et ne pas avoir affaire à ces innovateurs, à ces hizbis, ça c'est mieux pour votre religion et pour vos personnes. Et c'est, nous vous incitons à être ainsi et nous vous appelons à avoir l'indépendance vis-à-vis de ces innovateurs et de ces hizbis, de ces activistes. C'est ce que nous aimions, que vous soyez au-dessus d'eux, que vous n'ayez pas besoin d'eux et de tout, hein, les gens de l'innovation. Et on va arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui.